Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire à Québec, le portrait du peintre Jean-Paul Lemieux. Je n'aime pas les Laurentides, je n'aime pas les montagnes. Ce sont les paysages plats que j'aime. Plats comme l'Ouest, d'ailleurs. Et c'est le début de vos toiles aux lignes horizontales. Horizontales, ça, parce que là, j'ai commencé à faire de l'horizontalité plutôt que de, vous savez, de chercher à faire des montagnes du pittoresque, autrement dit. Le peintre Jean-Paul Lemieux, en entrevue avec Madeleine Poulain à l'émission Le Point en novembre 1985, ces toiles aux lignes horizontales dont parle Jean-Paul Lemieux dans cet extrait sont celles qui vont faire sa renommée. Loin du pittoresque, la peinture de Lemieux est plutôt celle de l'austérité, d'une certaine austérité, d'un certain dépouillement également, une peinture de l'intériorité qui cherche à montrer une partie de l'âme québécoise. Jean-Paul Lemieux est l'un des artistes importants du 20e siècle au Québec. C'est aussi l'un des peintres vedettes du Musée national des beaux-arts du Québec, d'où vous parvient cette émission. Ça vous décrirait beaucoup, ou est-ce que ça décrirait beaucoup votre espace, en tout cas, votre manière de percevoir l'espace, si on vous appelait dessinateur d'hiver, ou peintre de neige, ou peintre d'hiver? Mais ça, parce que je ne fais pas seulement de la neige. Ça serait limitatif, Oui, c'est très limitatif. Il y a une proportion considérable de vos tableaux. Oui, la neige joue un rôle. La neige joue un rôle. Oui, mais il y en a d'autres tableaux où, justement, il n'y a pas de neige du tout. C'est le printemps, ou l'été, ou l'automne. J'ai fait beaucoup de scènes de chasse aussi. Ah oui? La chasse. Je ne chasse pas moi-même, mais j'aime beaucoup. Ça fait très beau, les chasses. Gilles Vigneault, que vous avez peut-être reconnu, Gilles Vigneault qui est en entretien avec Jean-Paul Lemieux à l'émission Le Miroir de Gilles Vigneault, diffusée en octobre 1972, pour nous parler de la peinture de Jean-Paul Lemieux, de son importance également dans l'histoire de l'art au Québec. Je reçois Daniel Drouin. Daniel Drouin, qui est conservateur au Musée national des beaux-arts du Québec, commissaire de l'exposition Jean-Paul Lemieux de Silence et d'Espace, l'une des expositions permanentes présentées au musée. Daniel Drouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien, donc, vous avez été commissaire de cette exposition qu'on peut voir encore aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts. Vous le connaissez bien, Lemieux. Parlez-nous de votre Lemieux, de ce pourquoi, selon vous, c'est un des peintres importants du 20e siècle au Québec. L'œuvre de Lemieux est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est l'image du Québec. Elle est aussi une image du Canada. Et cette image du Québec et du Canada ressemble ne serait-ce qu'à une carte géographique. Hein. Oui. Quand on regarde le Canada qui s'étend d'est en ouest, cette grande forme horizontale, ça correspond au format que Lemieux donne à son œuvre. Et quand on parle du Québec et du Canada et qu'on parle de l'hiver, ça paraît dans l'œuvre de Lemieux. Et quand on parle des deux solitudes canadiennes, ça paraît également dans l'œuvre de Lemieux. Et quand on pense aussi aux difficultés de communication entre les gens, à toutes les époques ou même en ce moment, le problème d'incommunicabilité entre les gens, c'est également l'œuvre de Lemieux. Cette solitude dans ces vastes espaces, ça fait partie du Lemieux qu'on connaît, là, du grand Lemieux des années 50, mettons. Du Lemieux des années 50, 60, 70. Ouais. Parce que le Lemieux de fin de carrière, c'est un Lemieux extrêmement angoissé. C'est, c'est un homme âgé qui a peur du sort qui est réservé à l'humanité. Ouais. C'est un de vos peintres vedettes, Jean-Paul Lemieux, au musée. Il a sa salle, il y en a quelques-uns comme ça qui ont leur propre salle. Jean-Paul Lemieux en fait partie. Parlez-moi, c'est une vieille histoire, l'histoire de Lemieux, cette relation avec le Musée des beaux-arts. Ça commence quand? Puis qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour le musée, Jean-Paul Lemieux? Écoutez, l'histoire d'amour entre Jean-Paul Lemieux et le Musée national des beaux-arts du Québec remonte au tout début des années 30, ou à partir du moment où il commence à peindre, déjà, une de ses premières toiles va être acquise par le musée en 1933. Et pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, le musée acquiert des œuvres de Lemieux qu'il reçoit par don, par achat. Oui. Et les donateurs sont fiers de nourrir cette collection. Et donc, le musée a la plus importante collection d'œuvres de Lemieux au monde. Et ses œuvres couvrent toutes ces périodes, ouais. du début des années 30 jusqu'à la fin des années 80. Et très tôt dans sa carrière, il va exposer au musée également. Absolument, ouais. oui, très tôt. Et le musée, d'ailleurs, depuis 50 ans, lui a consacré des expositions majeures. Ouais. La grande rétrospective de 1974, pardon, qui a été présentée en Europe, a été organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec, anciennement le Musée du Québec, en 1974. La grande exposition qui a été présenté en 1992, que Le Mieux devait voir de son vivant, mais il est décédé ouais. avant, et bien d'autres. C'est un petit gars de Québec, ça tombe bien, on est à Québec. Jean-Paul ouais. Lemieux, c'est vraiment quelqu'un d'associé intimement et étroitement à Québec. Parle un petit peu de... parce que faire l'histoire de Lemieux, c'est aussi faire l'histoire en partie de cette ville-là, d'une certaine bourgeoisie, de la Grande Allée, oui. Oui. juste devant nous. Oui. Parlez-moi un petit peu de ses origines, de quel milieu il est originaire, à quoi ressemble sa jeunesse. Alors, son père, Joseph Flavien, est un commerçant qui fait dans les marchandises en gros. Sa mère, Corinne Blouin, est une femme de Beauport. En faisant des recherches, j'ai découvert qu'il a 30 ans avec sa mère. Sa mère est née en 1874, lui en 1904. Et son père est né en 1867, l'année de la Confédération. Donc, il y a une bonne différence d'âge avec oui. ses parents qui vont se marier dans la paroisse Saint-Roch de Québec et qui vont vivre dans ce quartier, sur la rue Saint-Joseph, à côté des affaires de M. Lemieux et qui vont accéder à une plus grande aisance au début du 20e siècle. Ils vont s'installer dans une résidence de la Grande Allée, tout près d'ici, dans le secteur que vous connaissez tous, des bars, restaurants et hôtels, ouais. une maison qui est située tout près d'un bar qui s'appelle chez Dagobert. À partir de ce moment-là, donc, une certaine aisance là, dans, oui. dans la famille Lemieux. Le père est très absent, voyage beaucoup, il faut tout le dire. Tout à fait, oui. Et les Lemieux, donc, qui vont finir par vivre sur la Grande Allée, passent l'été au Chute Montmorency, ce qu'on appelle à l'époque Kent House, oui. le manoir Montmorency aujourd'hui. Exactement. C'est là que Lemieux a son premier contact avec la peinture, contact direct en tout cas, parlez-moi oui. de ça. Oui, tout à fait. Donc, Lemieux vit dans un milieu tant anglophone que francophone. Il maîtrise bien les deux langues très jeune. Et il y a au manoir Montmorency, à l'été de 1914, un peintre américain qui travaille à repeindre des pavillons du manoir Montmorency. Lemieux, enfant, est impressionné par le travail de cet artiste américain dont il nommera un jour le nom de famille, Parnell, mais dont la véritable identité est perdue dans la nuit des temps. On n'a pas réussi à le trouver. Donc, Lemieux est très impressionné et il demande à cet artiste de lui enseigner les premiers rudiments de la peinture. Ouais. C'est là que ça commence, vraiment. Tout à fait. Et ouais. durant ses étés de vacances, Lemieux commence à dessiner et à peindre. Vous parliez de sa connaissance de l'anglais. En fait, il va connaître les États-Unis assez intimement aussi parce qu'après, en 1916, ils vont partir, la famille Lemieux, en Californie. Et Lemieux revient, la famille revient de Californie en 1917, s'installe à ce moment-là à Montréal. Et c'est là, Daniel Drouin, que commence... vraiment, et ça va être long, les oui. années de formation de Jean-Paul Lemieux. Oui, tout à fait. Il fait d'abord ses cours primaires et secondaires dans deux collèges privés de Montréal, durant son enfance dans un collège francophone et plus tard dans un collège anglophone, le collège Loyola, et ensuite s'inscrit à l'École des beaux-arts de Montréal en 1926. Auparavant, il a commencé à prendre des cours privés avec Marc Corel de Foix, Suzor Côté, oui. dont l'atelier est situé dans celui d'Alfred Laliberté, le grand sculpteur. Donc, il est déjà en contact avec l'art et il commence sa formation ouais. à l'École des beaux-arts de Montréal et il côtoie à ce moment-là déjà des gens comme Bordua. Oui. On y reviendra à Bordua parce que Lemieux va avoir un rapport trouble, on va dire ça comme ça, avec les automatistes, avec l'art abstrait. Ça va vraiment le tourmenter, cette... Ils font la loi dans les années 40, les automatismes. On y revient à tout ça. On poursuit notre parcours. Je disais, ça va être long, la formation de Lemieux. On comprend qu'il n'y a pas trop de problèmes financiers. Il y a une aisance qui va aider à ce qu'il prenne son temps. Mais il commence en 26 ses études. La dépression arrive dans les années 30, en 1929, en fait. Il décide de partir. Il part aux États-Unis, il part en France. Et ces deux voyages-là vont être importants pour lui. Pourquoi? D'abord, en 1929, il s'en va en Europe. Il parcourt la France, l'Espagne, fait un séjour à Londres. Écoutez, dans ces lieux-là, il y a des musées extrêmement importants, le musée du Prado, le musée du Louvre, la National Gallery, et il s'installe dans le quartier Montparnasse avec sa mère. Et déjà à Paris, il va commencer à parfaire sa formation dans différentes académies, entre autres la Grande Chaumière et l'Académie Colarossi. Et il revient à Montréal fin 1929, début 1930, et il fonde un studio de dessin avec deux amis de l'École des beaux-arts de Montréal, Jean Palardy et Jory Smith, oui. Des amis qui vont le suivre toute sa vie. Et ensuite, en 1930, il retourne en voyage parce que l'entreprise du studio n'a pas fonctionné. Donc, il veut réfléchir et se repositionner. Il va visiter sa sœur à Los Angeles. Et il en profite au retour pour visiter Chicago, New York et Boston. Et là, il est en contact avec une peinture toute particulière, que ce soit les peintres réalistes américains dits de la Ashcan School, des peintres très importants, dont Robert N. Rye, qui aura une influence ouais. probante sur sa peinture, entre autres sur ses portraits, parce que N. Rye pratiquait la peinture urbaine et il peignait les gens des milieux défavorisés. C'est ça que ça montre, oui. la vie, la réalité industrielle, la pauvreté des grandes villes, entre autres. Les grandes murales aussi qui seront faites pendant la Dépression, exactement, ça l'impressionne beaucoup. Le mouvement d'art muraliste, effectivement, et aussi les peintres régionalistes américains, et ça, c'est très important, comme le fameux Grant Wood et son fameux tableau American Gothic de l'homme avec sa fourche ouais. ah, et ouais. sa fille à côté de lui. Donc ça, c'est très important. Ce tableau-là date de 1930. Ouais. Donc, voyages importants qui vont vraiment influencer son art. On revient dans son parcours. Il va finir par revenir à Montréal, reprendre ses études à l'École des beaux-arts, des études qu'il termine en 1934, oui. début 26, fin des études en 34. Et aussitôt diplômé, il se fait embaucher comme enseignant à Montréal d'abord, à Québec ensuite. Il va arriver à Québec comme enseignant à partir de 1937. Et il va enseigner Jean-Paul Lemieux pendant à peu près 30 ans. Ça va faire vraiment partie de sa vie. On écoute Winston McWade, l'ancien animateur à Radio-Canada, qui a été l'élève de Jean-Paul Lemieux, nous parler du prof Lemieux, mais plus que ça, de l'homme. Extrait de l'émission Radar en décembre 1992. J'ai eu l'honneur de travailler dans ses cours en dessin et en peinture à l'École des beaux-arts à Québec. Et c'était un homme, comme vous le mentionnez tout à l'heure, oui, effectivement, qui était, qui avait l'air, Mossad, mais c'était également un homme qui aimait rire énormément. Et une de mes amies était la fille de Jean-Paul Lemieux, et elle avait le tour, Anne, de faire rire son père, et il ne manquait jamais une blague. Et on sait que dans une école, une école de peinture, on travaille de façon assez libre. Il y a un sujet qui est donné et on travaille autour. Généralement, à cette époque-là, c'était autour de paysages, pas de paysages, mais de nus. Et il y a quand même une conversation qui va d'un chevalet à l'autre. Et il était extrêmement perspicace. Il écoutait les conversations, même si on avait l'impression qu'il était très austère, sévère. Et tout à coup, il se mêlait à la conversation et se mettait à faire des blagues avec les étudiants et les étudiantes. C'est un homme qui était... contrairement à ce que l'on pense, accessible. C'est un homme qui avait un caractère. Il aimait recevoir les gens. Il aimait être disponible pour la conversation. Enfin, c'est un aspect que les gens connaissent peut-être un peu moins de Jean-Paul Lemieux. Alors, quel genre de prof, quel genre d'homme est Jean-Paul Lemieux, Daniel Drouin? Bien, quel genre de prof? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il conçoit son rôle comme celui d'un guide oui. qui oriente l'élève sur la voie de son talent sans lui imposer de méthode. Ça, c'est bien important, contrairement à ce que lui a reçu comme formation. Et Lemieux va dire de lui-même qu'il n'a jamais cru qu'on puisse montrer à peindre à quelqu'un. Mm-hmm. On peut enseigner les rudiments de la peinture, les techniques, les trucs du métier, mais on n'enseigne pas la peinture. Ouais. Et comme homme, Lemieux et M. McQuaid dit très bien les choses. C'est effectivement un homme qui aime rire et qui ouais. aime s'amuser. Et l'aspect ludique est présent dans beaucoup de ses tableaux, principalement durant les années 40. Il va être aussi, dans les années 30 et 40, critique d'art pour un temps, Jean-Paul Lemieux. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce que ça donne, Jean-Paul Lemieux, comme critique d'art? Écoutez, il va être critique d'art pendant une quinzaine d'années, autant dans les journaux francophones qu'anglophones. Je pense entre autres au Canadian Art, une revue qui existe toujours. La revue Technique, qui, comme nous, les historiens de l'art, avons beaucoup lu par rapport à ses critiques. L'événement journal, Le Jour. C'était un homme très cultivé et très connaisseur des diverses manifestations artistiques occidentales. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il a fréquenté la plupart plupart des grandes institutions muséales américaines et européennes. Donc, c'est vraiment un érudit. On en arrive à sa peinture. Ça commence dans les années 30, les débuts de Jean-Paul Lemieux. À quoi ressemble cette première période-là, ces premières œuvres-là, M. Leroy? À cette époque-là, Lemieux peint beaucoup de paysages, des portraits et des scènes de genre. Il est très influencé par la peinture des paysagistes du groupe des Sept. Il assimile les notions des grands peintres européens comme Paul Cézanne et Paul Gauguin. Mais au début des années 40, il va prendre un virage vers la non-figuration. C'est vraiment particulier, ces œuvres de cette époque-là. Parmi ces œuvres-là, la plus célèbre, c'est la Fête Dieu à Québec. Plusieurs d'entre vous l'avez déjà vu. C'est vraiment un tableau majeur dans sa production qui emprunte à l'art primitif italien et à l'art naïf. Ouais. Les années 40, c'est un peu, on l'évoquait au tout début de l'émission, c'est le règne des automatistes qui font vraiment la pluie et le beau temps. C'est le triomphe de l'art non figuratif, de l'art abstrait. Lemieux, ça vient le chercher énormément. Jamais, c'est pas sa tasse de thé. Pas du tout. Et ça va tellement venir le chercher qu'il en devient presque paralysé. Absolument. Paralysé au point de vouloir cesser de peindre en se disant « si je peins, je vais être considéré comme un réactionnaire parce que je ne suis pas pantoute dans le courant actuel. » Donc, ça va avoir une incidence très importante. Donc, il va prendre ses distances par rapport à l'avant-gardisme. Il va continuer de dessiner et de peindre la nature de Charlevoix parce que Charlevoix, c'est son lieu de prédilection très tôt dans sa vie. Hein, très tôt avec ses parents, il va commencer à fréquenter Charlevoix. Et surtout, il va entreprendre durant les années 40 une recherche de simplification des formes dans sa peinture, un travail qui va avoir un écho majeur dans son art. Et puis on arrive donc à sa grande période, cette période des tableaux horizontaux dont on parlait au tout début de l'émission. Ça commence au milieu des années 50. Il y a comme un déclic, là. Il revient d'un voyage en France et tout à coup, la lumière fuse. Ouais. On écoute Jean-Paul Lemieux décrire justement cet univers pictural, parler de ses influences aussi qui correspondent donc à cette période-là. Extrait de l'émission Visage en 1979. J'ai toujours fait une peinture assez représentative, mais ce n'est pas une peinture gay que je fais. C'est une peinture assez triste, vous voyez, comme le pays d'austérité de la province de Québec. Là. Les forêts, les pinettes. Et puis, c'est ça qui m'intéressait beaucoup plus. Et puis, je dois dire que j'ai été influencé aussi par le peintre norvégien Munch. Puis c'est une peinture assez... comme la peinture russe, d'ailleurs. Ce que j'ai cherché à exprimer, c'est surtout d'abord l'hiver, que je déteste. Oui, bon. C'est ça! Alors, l'hiver, j'ai toujours fait de la neige. J'aime beaucoup à faire de la neige. Parce que la neige, c'est austère, c'est dur. Et puis, on est une province une autre, très dure. Très paysage austère. Il n'y a rien, ce n'est pas des belles fleurs, vous savez, de la rivière française. Vous ne voyez pas ça ici. Il n'y en a pas. Donc, comment la décrire? C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Comment le décrire cet univers de Jean-Paul Lemieux, au fond, ce Québec de Jean-Paul Lemieux? Écoutez, ce qu'on vient d'entendre, c'est un Jean-Paul Lemieux à la fin de sa vie. Hein? Ouais. Et à la fin de sa vie, la sérénité et la nostalgie de sa période classique bien fait place à un expressionnisme tragique. C'est un homme qui est angoissé. C'est un homme qui a peur de la fin du monde. C'est un homme qui a peur de la guerre nucléaire. Ramenez-vous durant les années 70, au début des années 80. On était tous dans cet état-là, et c'est encore pire pour un homme qui arrive à la fin de sa vie. Mais par contre, précédemment, c'était encore beaucoup plus joyeux, beaucoup plus nostalgique, beaucoup plus dépouillé de toute forme d'angoisse, quelle qu'elle soit. Mais on n'est pas dans le romantisme, en tout cas dans cette période des grands tableaux, il montre la réalité, la solitude dont on parlait. Vous dites, on n'est pas dans une période de romantisme. Il y a effectivement quelques tableaux qui sont extrêmement touchants. Hein? Ouais. Des tableaux d'enfants, des tableaux de jeunes filles au vent, ouais. Des gens à la plage. Donc, c'est très agréable. On sent la chaleur, on sent la lumière de l'été, tout ça. Il a touché à tous ces aspects-là. L'héritage, on y est déjà. L'émission tire à sa fin. Quel héritage il nous laisse au final, Jean-Paul Lemieux? Quel héritage il laisse à la peinture québécoise? Où est-ce qu'on peut le situer aussi par rapport aux autres grands peintres québécois du 20e siècle? Je vous propose d'écouter le critique d'art Denis Morissette qui en parle à l'émission Actualité en août 1984. Lemieux n'est pas un meneur. Lemieux est un artiste solitaire. D'ailleurs, ça paraît dans son œuvre. C'est un artiste qui a, je ne dis pas nagé à contre-courant, mais qui s'est foutu de la mode durant la partie principale de sa carrière, disons, qui peut remonter à il y a 20 ans à aujourd'hui. Il a fait vraiment ces choses comme il les sentait, comme il les souhaitait. Et par le fait même, il n'est pas devenu meneur comme Borduas l'a été ou comme Pellan l'a été à un certain moment. Il est resté un peu seul. Lemieux, pour moi, c'est ça. Il a eu des influences, disons, qui l'intéressaient. Enfin, il s'est intéressé au groupe des Sept. C'était peut-être la première façon de percevoir la réalité canadienne. Et après ça, il a raffiné sa réalité pour en faire une réalité, je dirais, un peu plus québécoise et beaucoup plus Lemieux. La peinture de Jean-Paul Lemieux n'est pas une peinture particulièrement sautillante, gaie et rutilante. C'est une peinture un peu terne. C'est une peinture très réfléchie. C'est une peinture qui semble toujours masquer un peu les choses sous une sorte de comment je dirais, pas de tristesse, mais pas loin. Ça, c'était sa façon à lui de percevoir le Québec, parce que l'homme est fait comme ça. Donc, au final, Daniel Drouin, où le situer, Jean-Paul Lemieux, dans l'histoire de notre peinture? Jean-Paul Lemieux est unique. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est intéressant parce que tout est une question de perception. Parce que ce que les gens ont perçu, c'est exactement ce que Jean-Paul Lemieux a voulu faire. Ce qu'il a voulu faire, c'est une structuration géométrique de l'espace basée sur les diagonales. Donc ça fait quelque chose d'un peu froid. Il a réduit le nombre d'éléments descriptifs dans ses tableaux. Donc, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en plus, il a limité la gamme chromatique dans ses peintures. Donc, c'est l'impression que ça donne que sa peinture est terne. Mais par contre, son génie réside dans ces aspects-là. Le fait de reconnaître un Lemieux, c'est parce qu'il a fait cet exercice-là. Oui. Et ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'il est vraiment important dans l'histoire de la peinture au 20e siècle, mais ce n'est pas un meneur. Je pense que c'est comme ça qu'en parlait Denis Morissette. C'est pas un leader, c'est pas Borduas, c'est pas Pellan. Et pourtant, ses œuvres se transigent avec beaucoup plus d'excitation sur le marché de l'art canadien qu'un Borduas ou qu'un Pellan. Oui. Daniel Drouin, c'était passionnant, conservateur au Musée national des beaux-arts du Québec, commissaire de l'exposition Jean-Paul Lemieux de Silence et d'Espace, qui est présentée au pavillon Charles Baillarger du Musée national des beaux-arts du Québec. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à l'équipe du Musée national des beaux-arts de Québec de cet accueil formidable. Merci à vous d'être venus nous voir, de vous être déplacés pour cette première semaine de sortie d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Alors, si vous voulez, M. Drouin est disponible pour, je pense, on se donne 10 minutes peut-être, pour prendre vos questions sur Lemieux, sur le musée. Je peux vous parler un peu de l'émission aussi. Caroline Morin, donc, a un micro, notre vaillante recherchiste. Et faites-lui signe si vous avez un commentaire, une question, ils seront bienvenus. Qui se lance? Oui, monsieur. Oui. Pour M. Drouin, quel est le tableau que vous préférez? Et pourquoi? C'est une bonne question, d'autant plus que Mme Morin, la recherchiste, m'a posé la question aussi déjà. Alors, mon tableau préféré, c'est le rapide. Le rapide, c'est cette scène d'hiver horizontale avec un train qui s'approche. Un tableau de 1965. Ce qui est formidable devant ce tableau, c'est qu'on a l'impression d'être devant de vastes étendues qui n'ont plus de fin dans une journée intense d'hiver où le silence plane partout et où on a une impression donc de silence et d'espace. Mais ce qu'il faut savoir, et là réside entre autres le génie de Jean-Paul Lemieux, c'est que ce train, là où le visiteur est placé, s'en vient directement sur nous parce que l'artiste est placé sur la voie ferrée. Donc, prudence, soyons prudents. Et ça, c'est très intéressant dans le travail de Lemieux. On pourrait faire un travail de psychologie aussi là, sur pourquoi Absolument. Vous aimez ça, ce tableau-là, vous-même. Pourquoi j'aime ça? Parce que je pense que c'est parce que je suis content d'avoir compris que le train s'en venait sur moi et qu'il fallait que je me tasse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Bonjour. Moi, j'aimerais parler de la Pietà. Oui. Elle n'est pas exposée, je pense, dans non, la elle salle. Non, elle l'a été dans les salles permanentes consacrées à Lemieux entre 2001 et 2005 c'est et ça. Entre 2006 et 2008, oui. Moi, je trouve que c'est un de ses plus beaux tableaux. C'est très intéressant, votre réaction, parce que Jean-Paul Lemieux était un homme croyant et le fait religieux est présent dans tout son œuvre, vous savez. On trouve quelques Christ en croix, de l'architecture. Il était très proche du clergé et on retrouve beaucoup de religieuses et de prêtres dans ses compositions. Il était très, très croyant. Mais sa Pietà, c'est extrêmement dépouillé avec oui. sa technique tellement particulière. Ça non plus, vous n'en avez oui. pas parlé de sa technique. Non, mais par contre, vous avez compris lorsque, en fin de course, j'expliquais quelles sont les particularités de Lemieux. Donc, ces lignes diagonales, cette chromatique épurée et donc ces détails qui sont réduits à leur plus simple expression, c'est ce qui fait la force de cette Pietà dont vous parlez. Ouais. Et son coup de pinceau aussi, plus particulièrement. Son coup de pinceau qui est très particulier par coups de brossage superposés les uns aux autres en aplats, c'est tout à fait l'effet le mieux. Oui, oui. Mais 23 minutes, Merci. Ça va vite, madame. Mais vous avez bien fait de venir parce que vous avez un bonus que les auditeurs n'auront pas. Avec cette... Puis vous avez une demande spéciale, je pense. La dame voudrait qu'on ramène la Pietà quelque part dans le musée. Message reçu. Est-ce que, donc, mais votre expo, en même temps, je pense que... moi, je me souviens de cette expo. Je vous disais au début, je trouve que vous avez fait un très beau travail, mais il y avait un souci, c'est de cohérence aussi. Hein? Oui, c'est qu'on voulait vraiment couvrir toute la carrière de Jean-Paul Lemieux avec des œuvres qui collent parfaitement à chacune de ces périodes-là. Ouais. Je pense, entre autres, à un tableau que Lemieux ne nommait pas particulièrement. C'est la promenade des Anglais à Nice qu'il réalise en 54-55 lors de ce fameux voyage en France avec sa famille qui va avoir un impact énorme ouais. sur sa carrière parce qu'aussitôt qu'il revient, c'est la période classique qui commence, eh bien, ce tableau, tout en ligne diagonale, en forme épurée, en chromatie réduite à sa plus grande expression, eh bien, c'est vraiment l'exemple parfait de ce petit tableautin. Et en salle, vous allez voir, à côté, on voit l'autoroute et on comprend le travail mental de Lemieux à l'intérieur de 10 ans. Autre question? Oui, monsieur? Il a réalisé un portrait de la reine, je crois. Hein? Absolument. Ce tableau a été réalisé à la demande du gouverneur général du Canada. A été réalisé en 1979. Il était destiné à Rideau Hall. Donc, on voit la reine tenant un petit bouquet et le prince Philippe, les deux dans un décor champêtre. Et en arrière-plan, on voit le Parlement canadien. Mais ça, c'est la période Lemieux où Lemieux est plus taciturne et plus angoissé et plus inquiet. Et en plus, ce tableau a été mal reçu par la critique, donc c'était rien pour le sécuriser lui-même. Et ce tableau était dans la salle des remises de prix de Rideau Hall et a été changé il y a quelques années pour un tableau, ma foi, très moche. Qui a eu cette bonne idée? C'est le gouvernement Harper. Ah bon? Ouais. Il y a un autre, monsieur, oui. Il y avait une autre question, monsieur? Mais en attendant, moi, je me souviens de l'image de cette reine-là. La reine était... Où c'est moi, c'est Caroline. Ah, vous êtes là? Elle n'était pas très souriante, hein? C'était pas une reine très joyeuse. C'est peut-être pour ça que M. Harper l'a mis. Ben, c'est que probablement que pour un portrait officiel, on imagine mal une souveraine avec un sourire éclatant. Je ne sais pas, là. Monsieur Drouin, vous avez l'air d'avoir les réponses à tout. Alors, est-ce que vous savez... Non. Est-ce que vous savez comment il peignait? Est-ce qu'il peignait tout le temps en studio? Est-ce qu'il se déplaçait? Est-ce qu'il peignait de mémoire après avoir vu quelque chose? Ou... Tout ça est vrai. Un bel exemple de ça, c'est encore une fois dans la salle permanente consacrée à Lemieux, où vous pouvez admirer un tableau extraordinaire, immense, le plus grand tableau qui est présenté là, à la Brunante, qui est réalisé entre 1970-76. C'est une fresque extraordinaire qui est aux limites de l'abstraction et de la figuration. C'est un tableau croqué à l'île aux Coudres, une fin de journée, donc, à la Brunante. Et en tout petit, en haut à gauche, on voit Madeleine, son épouse, qui marche dans un champ de fleurs des champs. Et à côté de cet immense tableau, vous voyez l'esquisse, une toute petite esquisse qui a été croquée sur le vif, sur le site. Et c'est extrêmement touchant de voir le passage de cette pochade à cet immense tableau. Oui, madame. J'ai juste une petite question. J'ai déjà entendu les blancs de Lemieux, la couleur blanc. Est-ce qu'il y avait de quoi spécial dans cette couleur blanc? Dans la couleur blanche de Lemieux? Oui. Non, pas vraiment. C'est que le blanc est très présent. Il y a beaucoup de couleurs qu'on pourrait qualifier de ternes, mais qui sont un reflet de la réalité, tout simplement. Quand je vous dis qu'il a réduit la chromatie de son œuvre et qu'il a réduit le nombre de couleurs, c'est vraiment une des particularités. Et il peint ce qu'il voit. Il peint vraiment ce qu'il voit. Et soyez très attentifs et attentives tous, parce que presque à tous les jours, dans notre environnement, on peut voir un tableau de Jean-Paul Lemieux. Oui. Chez moi, derrière chez moi, on construit actuellement des maisons. Et dans l'horizon, il y a toute une série de maisons qui sont construites. Et entre cette série de maisons et chez moi, il y a un immense champ de neige. C'est vraiment un effet Lemieux. Ouais. Merci infiniment, M. Drouin. Merci beaucoup. Merci à vous.